m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, le Sauveur est sorti du tombeau. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Dans Galilée, Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jamais peur.